deux, trois autres passages avant de penser d'une façon théologique au sujet de ce premier pilier, les considérations provenant du début de l'intrigue biblique. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, à partir de verset 18, j'ai déjà cité ce verset dans notre étude de la substitution. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Il y a quelques années, j'ai lu un essai par un homme qui a fait son doctorat du troisième cycle dans la philosophie, où il a présenté l'argument que nous créons nous-mêmes nos structures de bon et de mal. Nous créons nos systèmes de moralité par les systèmes culturels dans lesquels nous vivons. C'est un argument assez commun aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'était un argument présenté avec rigueur et tout cela. Enfin, il s'est converti à Jésus-Christ. Et en pensant à tout cela, c'était intéressant de comprendre comment il s'est compris après sa conversion. Si nous avons été créés dans l'image de Dieu, il a dit, il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître. Non, il y a des choses que nous ne pouvons pas non connaître. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il est impossible pour un être humain de ne pas connaître. Maintenant, c'est à peu près ceci que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Cet homme dit, en effet, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles de ne pas connaître. Donc, un homme qui veut ne les pas connaître doit dire que certaines choses sont hors de la discussion. Il faut en effet les nier, parce qu'autrement, il faut penser à ces choses, il faut les considérer, il faut les intégrer dans leur système de pensée. Donc, pour ne pas penser de ces choses, pour être vivement ignorant de ces choses que nous ne pouvons pas réellement ignorer, il faut décider que ces choses sont hors de la discussion. On n'a pas le droit d'y penser. Par exemple, parce qu'il avait déjà décidé qu'il n'y a pas une différence ontologique ou réelle ou profonde entre le bien et le mal. Il avait déjà décidé cela. Et la distinction est seulement quelque chose que nous créons nous-mêmes à cause de nos structures culturelles. Donc, il n'y avait vraiment pas une valeur ontologique, une valeur réelle dans ce qu'il appelait son amour pour son épouse. Comment appeler un tel amour bon s'il n'y a pas une catégorie pour ce qui est bon, à part de tout simplement les choix qu'on crée dans nos cultures? Mais si nous avons été créés dans l'image de Dieu, c'est comme un ordinateur où chaque morceau qu'on n'aime pas parce que c'est étampé avec l'expression « créé dans l'image de Dieu », il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Mais chaque morceau de l'ordinateur est étampé avec la même expression « créé dans l'image de Dieu ». Donc, on ôte une autre note. Puis enfin, il y a de moins en moins qu'on peut penser. Il y a de moins en moins qu'on peut imaginer. Il y a de moins. Et puis on pense qu'on est plus sage que les autres, qu'on est plus rigoureux. Et on devient tout simplement de plus en plus fou parce qu'on décide que c'est hors de la discussion. On pense que nous, qu'on est plus sage. Nous pensons que nous sommes plus discernants, que nous sommes plus pénétrants que les autres. Et à place, nous devenons de plus en plus fous parce que nous nions ce qui est là, de la gloire de Dieu dans la création, de ce que c'est le bien et le mal. C'est étampé sur notre caractère. Nous avons été créés dans l'image de Dieu et Dieu s'est révélé même dans l'univers. Et en fin de compte, qu'est-ce que Dieu fait? Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Verset 28, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Ils ont nié la connaissance de Dieu. Nier la connaissance de Dieu qui n'est pas en effet honnêtement niable. Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Donc, selon la compréhension de l'apôtre Paul, si on ignore Dieu, Dieu nous livre à notre propre idolâtrie qui nous mène vers les passions déshonorantes et ainsi de suite. Et donc, même ces espèces de péchés sont déjà la marque du jugement de Dieu. À la fois des choses elles-mêmes coupables et à la fois les choses qui indiquent déjà le jugement de Dieu. Nous voulons être aveugles, nous ne voulons pas connaître ce que Dieu nous donne à connaître. Des choses que, par un point de vue, sont impossibles à ne pas connaître. Nous insistons qu'on ne veut pas les connaître et Dieu nous livre à l'ignorance et l'impureté. Et ce n'est pas comme ceci que pense notre société aujourd'hui. Dans l'Occident, pas tout simplement en Suisse ou en France, dans l'Occident. Ce n'est pas la structure de notre pensée dans la culture, la culture occidentale. Surtout ce côté-ci de l'éclaircissement, nous croyons tellement à nos puissances intellectuelles, nos pouvoirs intellectuels, que de s'en douter de ces pouvoirs à cause de choix moraux, à cause de choix théologiques, à cause de la décentralisation de Dieu dans notre pensée. Imaginez cela, c'est presque impossible. Maintenant, nous parlons de la séparation entre Dieu et l'État, et la laïcité, l'indépendance humaine, et ainsi de suite. Mais cette soi-disant indépendance, c'est un autre mot, selon la Bible, pour l'idolâtrie, qui mène vers l'impureté, parce que Dieu nous livre vers l'impureté. C'est une façon de penser tellement étrange dans notre société que ça prend un bon bout de temps pour expliquer cela, n'est-ce pas? Même parmi les chrétiens, ça prend un bout de temps pour l'absorber et commencer à tout voir sous cette vision. Un autre passage, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Les premiers cinq versets. Luc 13, 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Et les 3000 qui sont morts dans les tours à New York, pensez-vous qu'ils étaient pires que les autres? Non, Jésus répond, mais à moins que vous vous repentiez, vous périrez tous pareillement. Ça ne veut pas dire que vous allez périr dans les tours qui tomberont, mais vous allez tous périr. C'est-à-dire ce que Jésus présuppose. Ce n'est pas que ces personnes étaient pures et innocentes, donc ce n'était qu'une tragédie, ni que ces personnes étaient pires et plus coupables que les autres, donc c'était juste que ces personnes sont perdues et pas les autres. Mais Jésus donne l'impression que ce n'était pas injuste, et parce que vous tous sont injustes, donc vous allez tous périr aussi. Donc leur destruction, ce n'est pas une injustice, c'est un signe de la perdition, c'est un signe de la destruction dont nous sommes tous coupables. Nous sommes tous perdus. Et si nous perdons maintenant dans un tour, ou d'ici 20 ans à cause du cancer, c'est encore la même destruction. À cause de la même culpabilité. À moins que nous nous repentions, il n'y a pas d'espérance. Nous sommes condamnés. Pensez-vous que les personnes qui ont été tuées dans le tsunami sont pires que les autres? Mais à moins que vous vous repentiez, vous allez tous périr pareillement. Imaginez-vous publier une réponse comme cela dans un journal aujourd'hui. Mais c'est ce que Jésus nous donne comme réponse, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il était plus méchant. Après la destruction à New York, il y avait deux prédicateurs assez bien connus, populaires, pas bien profonds, qui ont donné leur opinion que la raison pour laquelle une telle destruction est tombée sur les citoyens de New York, c'était à cause de l'avortement dans la société, c'était à cause de l'homosexualité et tout cela. Immédiatement, il y avait un scandale à travers le pays. Pourquoi blâmer les personnes qui commettent de telles choses pour la destruction de ces 3000 personnes dans les tours de New York? Mais ces deux prédicateurs, ils avaient raison et ils se sont trompés, tous les deux. Ils se sont trompés parce qu'ils ont choisi seulement deux péchés. Dans un sens, s'il avait dit « c'est à cause de notre idolâtrie ici en Amérique, de notre amour pour le matérialisme, notre dépendance sur la pornographie, le fait que nous n'avons pas de respect pour la vie mortelle, donc l'avortement. Nous sommes tellement corrompus dans nos relations, dans nos familles, dans nos divorces, dans ce que nous faisons avec nos enfants, dans notre convoitise et ainsi de suite, que c'est la marque de la justice de Dieu. Et à moins que vous vous repentissiez, que vous repentiez, vous allez tous mourir pareillement. Là, ça aurait été la voie de l'Éternel. Mais parce qu'ils ont mentionné seulement deux péchés qu'ils ne pratiquaient pas eux-mêmes, ils semblent être tout simplement hypocrites, n'est-ce pas? Donc, c'est une tragédie, oui, c'est une tragédie, il faut le dire. Mais ce n'est pas dire assez de dire qu'un tsunami est une tragédie. Ou même la destruction des tours est une tragédie. Et notez bien, il y a deux choses qui sont mentionnées ici. L'un côté, la tour de Siloé est tombée, c'est-à-dire apparemment quelque chose, soi-disant, naturel. Et à l'autre côté, les Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Dans ce cas, pas quelque chose, soi-disant, naturel, mais un acte de violence par un homme méchant. Et dans les deux cas, la réponse de Jésus, à cet égard, est pareille. C'est-à-dire, ne pensez pas que ces personnes qui ont souffert de cette façon étaient pires que les autres, à moins que vous ne repentiez, vous allez tous mourir pareillement. J'insiste que cette perspective est liée à notre premier pilier, c'est-à-dire des considérations provenant du début de l'intrigue biblique. Comment penser à la mort? Comment penser à ce qui est bon? Comment penser à la justice de Dieu? En général, maintenant, dans l'Occident, ça dépend un peu de quel pays, mais en général, maintenant, nous sommes tellement libres, il y a si peu de tabous parmi nous, que nous pouvons parler de presque n'importe quoi. Presque n'importe quoi. Même dans nos assemblées, le monde ne se gêne pas si nous mentionnons le sexe ou si nous mentionnons l'homosexualité. Il n'y a presque pas de tabou dans la conversation aujourd'hui, sauf un, la mort. Si j'ai quelques étudiants autour de ma table chez moi, et je pose la question, eh bien, qu'est-ce que vous pensez des développements récents dans l'homosexualité et le sida? Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Oh, tout le monde a une opinion. Mais si je dis, j'aimerais vous raconter comment mon père est mort, tout d'un coup, le silence absolu, parce que dans la compagnie civile, il ne faut pas mentionner des choses comme cela. Ce n'est pas poli. C'est trop personnel. C'est encore un tabou, n'est-ce pas? Mais la mort, c'est la seule chose plus certaine que l'impôt fédéral. Et dans la Bible est très près à parler de la mort. Remarquez Jésus dans Luc chapitre 13. À travers les siècles, les chrétiens étaient ceux qui étaient connus comme ceux qui savaient bien mourir. C'était leur expression. Encore les puritains parlaient toujours comme cela. Ils priaient que dans leur mort, ils ne déshonoraient jamais le Seigneur. Ils voulaient bien mourir. Et il y a 150 ans, 180 ans, presque chaque famille perdait au moins un enfant, des fois deux, trois, quatre enfants. La moitié des enfants étaient perdus. Donc, on était accoutumé à la mort, n'est-ce pas? Maintenant, c'est tellement privé. Nous comptons que tous nos enfants vont vivre. Donc, c'est quelque chose d'effrayant si nous perdons un enfant. Immédiatement, il y a des spécialistes qui arrivent et c'est tout caché. C'est tout caché. Il y a 3 ans, 4 ans, je ne pense pas que j'ai mentionné ceci la dernière fois que j'étais ici, mais il y avait une femme dans notre assemblée nommée Brigitte. Elle avait subi le cancer 7 ans avant, puis on pensait qu'elle était guérie. Ce n'était pas encore très difficile ou très avancé. Mais au mois de mai, il y a 3 ou 4 ans, le cancer est revenu. Et cette femme était bien connue, pas tout simplement dans notre assemblée locale, mais dans notre association des églises. C'était un homme courageuse et avec bon témoignage, avec courage, bien doué. Elle a commencé, par exemple, une petite compagnie. Et dans cette compagnie, elle a donné d'ouvrage à quelques autres femmes qui donnaient leur temps librement afin que tous les profits soient donnés aux missionnaires. Donc, c'était un acte, en effet, pour supporter des missionnaires. Et quand les missionnaires retournaient, c'est presque pas croyable, elle et son mari, tous les deux, ils ont préparé des choses dont les missionnaires ont besoin quand les missionnaires reviennent. Ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas de savon, ils n'ont rien. Ils n'ont pas un toaster, comment on dit toaster? Un grippin. Ils n'ont rien. Hein? Il faut commencer de nouveau. Ils ont été en Chine quelque part, puis maintenant ils reviennent, puis ils commencent de nouveau. Ils ramassaient ces choses et lorsque les missionnaires revenaient, ce couple avait toutes ces choses à donner, tout simplement. C'était une femme avec grande vision. Mais elle était malade. Au mois de septembre, il y avait une journée donnée à la prière pour notre chère sœur Brigitte. 287 personnes sont venues pour cette journée de prière. Pas tout simplement de notre assemblée, nous avons à peu près 500 dans notre assemblée, mais de plusieurs autres assemblées. Je n'étais pas là, j'étais quelque part, je ne sais pas où. Mais mon épouse y est allée. Puis, on priait ensemble pour Brigitte. Ce n'est pas une église pentecôtiste ou charismatique, mais quand même, plus qu'on priait à travers cette journée, plus qu'il y avait l'enthousiasme pour le miracle de guérison. Cher Jésus, tu as promis que si deux personnes ou trois personnes étaient en accord, maintenant nous sommes 287 et nous sommes en accord que tu guéris notre chère sœur Brigitte, puis ça continuait, ça montait la voix. Puis... En fin de compte, c'était le tour de mon épouse de prier. Elle qui avait déjà souffert le cancer elle-même. Puis elle a prié. Père Saint, nous aimerions que tu guérisses notre sœur. Et tu vas le guérir au dernier jour. Nous l'aimerions si tu pourrais le faire maintenant. Mais sinon, montre à elle comment bien mourir. Donne-lui un témoignage pour son époux. Et pour ses deux enfants, parce qu'elle a déjà un pied sur la terre et un pied dans les cieux. Donne-lui une vision de ton bien-aimé Fils sur la croix, ressuscité et déjà à la droite de ta gloire. Donne-lui une envie d'être pour toujours dans ta présence. Ôte ses craintes. Montre à elle ce que c'est de vivre pour l'éternité, d'anticiper la résurrection du dernier jour. Montre-lui comment bien mourir. Mais la parenté, apparemment, de cette femme voulait que mon épouse expérimente tout cela avant Brigitte. La parenté a confessé cela quelques mois plus tard, quand Brigitte était décédée. Au mois de novembre, elle est morte au mois de décembre. Au mois de novembre, son mari m'a téléphoné. Maintenant, nous les connaissions depuis 25 ans. Mais nous n'étions pas des amis très près. Dans une assemblée de 500 personnes, on ne connaît pas tout le monde comme... Des personnes bien connues, on les connaissait, mais ils n'étaient pas de très bons amis. Mais il m'a téléphoné. Il dit, Don, je dois te parler. Maintenant, immédiatement. Il voulait me parler à cause de la prière de mon épouse et à cause des emphases que je donnais quand je prêche. Il voulait me parler, en effet, pour avoir permission de laisser mourir son épouse. C'est-à-dire, l'Église était généreuse. On pourvoyait tous les repas. On envoyait des personnes pour être assis toujours à côté de Brigitte quand elle était si malade, afin que son mari pouvait prendre du repos. On nettoyait la maison. L'Église était généreuse. Puis une autre femme entrait, disons, avec un repas. « Comment es-tu aujourd'hui? Comment ça va? »« Oh, ça va pas bien. Je suis malade. »« On ne t'inquiète pas, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te protéger. » Pas un seul mot pour l'encourager à l'attente de l'éternité. Le mari voulait avoir la permission, en effet, pour laisser mourir son épouse en paix. Ça fait partie de notre culture, cela. On ne peut pas parler de mourir. Même dans les cercles chrétiens, des fois. Il faut que ces personnes soient à la porte avant de concéder. Oui, c'est la volonté de Dieu. Être absent du corps, c'est avec le Seigneur. Mais on ne pense pas comme cela quand on a la santé. Et on ne pense pas comme cela non plus quand nous croyons que c'est bien mieux d'être guéri. Dans le 17e siècle à Londres, quand le plaid passait de temps en temps, puis on perdait un tiers de la population, il y avait un poète, pas bien connu, mais c'était un puritain qui voulait aider ceux qui souffraient, donc il n'a pas quitté la ville. Il était là encore pour aider ceux qui mouraient par des milliers. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte que lui aussi, il avait la plaie. La plaie? La plaie? La peste, oui, la peste, pardon. Que lui aussi, il avait la peste. Donc, il avait à peu près 48 heures pour vivre, c'est tout. Il a écrit un poème davantage. C'était son meilleur. 6 strophes. Et chaque strophe finissait avec les 2 lignes. « For I am sick and I must die. Lord, have mercy. » Je suis malade. Je dois mourir. Seigneur, aie pitié de moi. Aujourd'hui, nous disons, je suis malade, je ne veux pas mourir, et le gouvernement doit payer mon assurance pour me guérir. C'est notre droit, n'est-ce pas? Et je ne nie pas qu'il y a un grand avantage vivre dans une culture où il y a des médecins et la science et tout ça. Encore, c'est la bonté de Dieu, sans doute, sans doute. Mais de nier la mort, de nier, de l'éviter, de l'ignorer, de ne pas reconnaître que c'est le résultat de la chute et que nous allons tous mourir. C'est de ne pas comprendre les considérations provenant du début de l'intrigue biblique. Et maintenant, deuxième pilier. Nous allons le commencer au moins. Deuxième pilier. Considérations provenant de la fin de l'intrigue biblique. Considérations provenant de la fin de l'intrigue biblique. L'histoire de Brigitte, j'aurais pu la mentionner soit sous le titre du premier pilier, soit sous le titre du deuxième. Mais pour nous les chrétiens, il y a un ciel, ou plutôt des nouveaux cieux, une nouvelle terre, la vie de la résurrection à gagner et un enfer à éviter. Et nous n'avons pas des catégories stables pour évaluer ce que c'est la souffrance dans cette existence, à moins que nous apprenions comment examiner toute chose du point de vue d'éternité. C'est difficile à faire, je l'avoue. Je suis dans le temps, j'ai un corps naturel. Mais quand même, de ne pas essayer véritablement d'examiner, d'essayer d'évaluer quelque chose dans la lumière d'éternité, c'est déjà manquer le point central. Donc, l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne, par exemple. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, C.S. Lewis, qui a écrit bien des livres sur la souffrance et sur le christianisme, la série Narnia, qui sans doute vous connaissez, Il était dans le temps un professeur à l'université d'Oxford. Mais il était un combattant dans la Première Guerre mondiale. Et il avait perdu presque tous ses amis dans cette guerre. Il est devenu chrétien entre les deux guerres mondiales. Et quand la Deuxième Guerre mondiale a débuté, le ministre de l'Église universitaire, St. Mary's, il ne savait pas quoi dire à ses étudiants, la plupart des hommes, à ces jeunes hommes qui étaient étudiants à l'université Oxford. Comment étudier la chimie, la mathématique, l'histoire, la littérature, quand tout le monde se trouve en flammes? Une guerre mondiale. Comment faire cela? Donc, il a invité C.S. Lewis, de prêcher sur ce sujet dans la chapelle à Oxford. Puis, un dimanche soir, il est monté dans le pupitre. Et son thème, c'était « Studying in wartime », étudier dans le temps de guerre. Vous pouvez trouver cet essai sur l'Internet, des fois sous le titre « Learning in wartime », apprendre dans le temps de guerre. Ça vaut la peine encore de le lire. Ça a été publié à maintes reprises. Et il commence avec la déconstruction, avant que le mot « déconstruction » soit inventé par Derrida et d'autres personnes. Il a commencé avec un acte de déconstruction. Il a dit, avant d'aborder la question « comment étudier, comment apprendre dans un temps de guerre mondiale, comment étudier la littérature, la poésie, quand tout le monde est en flammes ?» Avant d'aborder cette question, pour un chrétien, n'y a-t-il pas une autre question qu'il faut aborder d'avance? Comment étudier la poésie, la chimie, la mathématique, l'histoire? Quand l'enfer lui-même nous attend. Et il dit, mais mentionner l'enfer, ce n'est pas bien poli. Peut-être que je ne devrais pas oser utiliser un tel mot, mais avant de me condamner, il faut se rendre compte du fait que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle le plus de l'enfer. Donc je pose la question, il dit, en vue de l'enfer, qu'est-ce que nous pensons que nous faisons? Étudier la chimie et la poésie. Si nous mourons maintenant à cause d'un fusil à l'âge de 22 ans, ou si nous mourons à l'âge de 70 ans à cause du cancer, nous mourons. Et ensuite, quoi? Maintenant, il faut comprendre ce qu'il voulait dire. Il faut lire tout l'essai. Il ne voulait pas dire par cela que ça ne vaut pas la peine d'étudier la chimie ou la poésie. Il veut dire tout simplement que s'il y a une place pour étudier la chimie et la poésie ou quoi que ce soit, en vue de l'enfer qui nous attend, pourquoi pas un petit désastre comme une guerre mondiale? Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup plus de peur d'une guerre ou de la peste que de l'enfer. Et nous avons beaucoup plus envie pour une vie paisible dans ce monde, une vie avec des enfants, des petits-enfants, avec assez d'argent, une belle maison, que nous avons envie pour la vie de résurrection, dans les nouveaux cieux, sur la nouvelle terre. Et à moins que nous changions ces valeurs, que nous avons hâte de voir le Seigneur Jésus, comment est-ce que nous pouvons commencer d'évaluer les souffrances dans cette vie, à moins que nous adoptions des telles valeurs, comme les valeurs de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1. Partir, c'est beaucoup mieux pour moi, franchement, si j'ai le choix, j'aimerais aller immédiatement, franchement. D'être absent du corps, c'est d'être avec le Seigneur, c'est magnifique. Mais rester ici, c'est mieux pour vous, donc j'espère que Dieu me laisse rester ici pour un bout de temps pour vous aider. Est-ce que c'est comme ça que nous pensons, même dans nos ministères? Non. Pour nous, oui, j'aimerais bien aller avec le Seigneur quand j'aurai l'âge de 70 ans. Je veux me marier. Je veux avoir 3 enfants et demi. Je veux voir mes petits-enfants. Je veux visiter le globe. Je suis jamais allé à Bangkok, disons. Oui, je suis allé, mais avant d'être y allé, j'aurais pu dire, j'aimerais bien voir Bangkok. Maintenant, j'ai vu Bangkok, qu'est-ce que je vais choisir? J'aimerais voir quoi? Choisissez la ville. Chicago, non. Toujours une autre chose que j'aimerais mieux faire dans cette vie que de voir le Seigneur. Et dans un sens, c'est naturel. C'est ici que Dieu nous a placés. Nous sommes responsables ici. Nous avons des responsabilités de planifier, d'être stratégiques en ce qui concerne la planification des églises, l'implantation des églises et le témoignage et nourrir nos familles et tout cela. Oui. Mais les cieux, l'enfer, deviennent seulement des points dans nos credos, pas des valeurs qui nous entourent, qui nous développent, qui nous changent. Eh bien, remarquons quelques passages ensemble. Apocalypse, chapitre 21 et 22. Apocalypse, chapitre 21 et 22. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Eh bien, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette expression vient du prophète Ésaïe et c'est répété de temps en temps à travers la Bible. Le seul détail qui est mentionné, c'est la mer n'était plus. Ça ne parle vraiment pas de système, du système d'hydrologie que nous allons trouver. Encore, c'est le symbolisme. Dans un pays comme l'Angleterre, où tout le monde est navire, en effet, tout le monde sont des marins, oui, pas des navires, des marins. Donc, le symbolisme de la mer, pour les Anglais, c'est toujours l'aventure, et l'exploration et l'empire ou quoi que ce soit. Hein? Mais chez Israël, dans l'Ancien Testament, même quand ils voulaient créer quelque chose sous le temps de Salomon, il fallait trouver des marins de Tyr et de Sidon, n'est-ce pas? Donc, le symbolisme de la mer dans l'Ancien Testament, c'est presque toujours avec, pas avec aventure, pas avec exploration, pas avec beauté, mais toujours avec danger, toujours avec, avec quelque chose instable. Donc, dans Ésaïe chapitre 57, par exemple, et ce n'est qu'un passage de plusieurs qu'on pourrait citer. Le symbolisme est assez clair. Ésaïe, chapitre 57, verset 20. « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. » Et maintenant, il n'y a plus de mer. Donc, ça ne parle pas du système hydrologique. Ça veut dire tout simplement, il n'y a rien d'agité, il n'y a rien de méchant. Vous allez vous souvenir du fait que, selon Apocalypse chapitre 13, un des bêtes est sorti de la mer. Mais maintenant, il n'y a plus de mer. Plus de bêtes non plus. Maintenant, on ne doit pas imaginer que Dieu ici nous donne une vision des nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et ensuite, dans ce cadre, la nouvelle ville, Jérusalem, descend du ciel. C'est une autre vision de la même chose. Et donc, on pourrait dire en effet qu'il y a quelque chose qui est signalé par les nouveaux cieux et par la nouvelle terre. Une autre chose qui est signalée par la ville sainte, je vais le mentionner dans un instant. Et ensuite, nous disons que la ville sainte est comme une épouse. Une autre chose encore qui est signalée. Quand vous vous mariez, vous ne devriez pas dire à votre épouse, « Oh, tu es si belle comme une ville. » Parce que la littérature apocalyptique peut utiliser des métaphores mixtes, c'est assez commun, mais ce n'est pas une métaphore mixte que vous devriez utiliser le jour de votre mariage, en général. Mais chaque métaphore introduit quelque chose d'important. C'est-à-dire, il y a maintenant toute une autre structure de réalité et l'ancien temps est passé. On le trouve assez souvent, garder la place, mais lire de nouveau Romains, mais maintenant Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir de verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez? Des considérations provenant de la fin de l'âge. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Notez bien, dans Genèse chapitre 3, la création est condamnée à cause du péché humain. Maintenant, à la fin, Romains chapitre 8, la création est libérée pour se joindre à la libération de cette adoption des fils. Ce n'est pas que nous sommes changés pour la nouvelle création, mais la création est changée et devient nouvelle pour nous. C'est nous qui sommes le centre du plan de Dieu. C'est nous qui sommes au centre de la rébellion. Et c'est nous qui sommes sauvés. Et la création est renouvelée pour nous. Vous voyez? Maintenant, parler ainsi, c'est exactement la même idée que nous avons dans Apocalypse chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ensuite, deuxième métaphore, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Troisième vision. Comment comprendre les villes? Est-ce que les villes sont des places de théâtre, haute culture, université, bibliothèque, science? Ou est-ce que les villes sont les endroits de corruption, de pauvreté, du malin? Et la réponse? Oui. C'est-à-dire, parce qu'il y a un si grand nombre d'êtres humains, c'est la place créatrice, c'est la place de beauté, de culture, mais c'est aussi la place de corruption pour exactement la même raison. Mais au moins, c'est une place sociale. La vision ici n'est pas la vision de Jean-Jacques Rousseau, retourner à la nature. Il y a quelques années, j'enseignais un cours en Corée et il y avait un étudiant dans ce séminaire qui venait des Indes. Et un repas, il a dit, « Vous êtes Canadien, n'est-ce pas? » J'ai dit, « Oui. » « Quelle est la population de Canada? » Dans le temps, j'ai dit, « Environ 30 millions. » 30 millions, oui. Mais c'est un grand pays, n'est-ce pas? Oui, plus grand que les États-Unis. Et seulement 30 millions? Oui. J'ai grand pitié pour vous. Dans mon État, qui est un très petit État, nous avons 147 millions de personnes. Nous avons des personnes partout. C'est magnifique. Vous êtes tellement seul au Canada. Ce n'est pas une vision rousseauiste, cela. Et immédiatement, on commence à connaître qu'il y a des attentes différentes de culture en culture, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que c'est qui nous donne la joie? Mais dans l'Apocalypse, il y a deux villes, Babylone et la Nouvelle-Jérusalem. Tous les deux sont une vision sociale. Mais la Nouvelle Jérusalem, déjà, nous trouvons cette expression dans Galates, chapitre 4. Notre attente finale, ce n'est pas la Jérusalem en Palestine, en Palestine. Après trois efforts, là, en fin de compte, j'arrive en Palestine, oui. Mais quand même, c'est de même façon que entrer dans le pays promis était d'entrer dans le repos du Seigneur, mais ce n'est pas le repos final. De même aussi, entrer dans la ville de Jérusalem, la ville de David, la ville du Temple, la ville du Grand Roi, la ville de l'Ancienne Alliance, ce n'est pas encore entrer dans la ville sainte qui descend du ciel. C'est seulement quelque chose qui attend l'avenir, qui prédit l'avenir, qui démontre l'avenir même. La ville où se trouve la présence de Dieu dans le tabernacle et ensuite dans le temple. La ville du grand roi, la ville du peuple de Dieu, la ville qu'il faut reconstruire dans le temps de Néhémie. Mais ce n'est pas la ville finale. Ça, c'est la ville de Jérusalem, qui descend de Dieu. C'est préparé par Dieu lui-même. C'est une vision beaucoup plus riche. Et il y a plusieurs choses qui manquent dans cette ville, qu'on ne trouve pas dans cette ville. Verset 22. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Avez-vous remarqué les dimensions de cette ville? C'est construit en cube. Il n'y a qu'un seul cube dans l'Ancien Testament, le Saint des Saints. Donc, toute une ville de Jérusalem construite en cube, ça signale que toute la ville est le Saint des Saints. Nous n'avons pas besoin d'un temple dans la ville parce que maintenant nous sommes déjà tous dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de sacrificateur qui entre pour nous, qui nous remplace. Nous sommes maintenant déjà pour toujours dans sa présence. Je ne vis pas de temple car le Seigneur Tout-Puissant est son temple. Vous voyez? C'est la même signification que nous trouvons dans Matthieu chapitre 27. 51, le voile a été déchiré. Nous entrons maintenant dans la présence de Dieu, librement. Et de même, à la fin, une vision si grande, nous n'avons plus besoin d'autel, de l'arche, de l'alliance, des chérubins, le sang d'un taureau, quoi que ce soit. Nous sommes pour toujours dans la présence de Dieu. Et même ces paroles, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Ou encore, Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux. En réalité, des expressions comme cela sont utilisées à travers la Bible. Mais leur signification s'augmente de l'alliance en alliance. Quand Dieu dit, je serai son Dieu, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Quand il dit cela dans Lévitique, par exemple, c'est manifesté par le tabernacle. J'habiterai avec eux. Comment? Dans le tabernacle, dans le pilier de gloire et de nuages. Et ensuite, Dieu dit à peu près la même chose chez Ézéchiel, chez Jérémie 31, quand il parle de la nouvelle alliance. J'habiterai avec eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je les connaîtrai, et ainsi de suite. Je vivrai avec eux. Oh, oui, oui, oui. Dieu vivre avec nous par son Saint-Esprit. Maintenant, déjà, nous n'avons plus besoin du temple. La vision est augmentée un petit peu, n'est-ce pas? Mais c'est la même vision, mais augmentée. Ce n'était pas le cas final dans le temps du tabernacle. Et ce n'est pas le temps final même aujourd'hui. Un jour, dans les nouveaux cieux, sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, Dieu sera tellement avec nous. Il vivra d'une façon tellement immédiate qu'il faut en conclure, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et pour nous donner une confiance dans la certitude de ces bénédictions, Dieu parle à la fin. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ensuite, la répétition. « Et il dit, écrit, il me dit, c'est fait. » Vous voyez la répétition de ces expressions, « et il dit, et il dit, et il dit », pour souligner que ces promesses sont aussi certaines que le caractère de Dieu lui-même. « Je suis l'alpha et l'oméga, donc il peut tout arranger. Il est au début de toute chose, il est à la fin, donc il peut tout arranger, il est souverain. » Le commencement et la fin. Et donc, la promesse à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc, il y a ces visions magnifiques de la gloire de Dieu. Il y a bien d'autres passages qu'on pourrait examiner ensemble. Par exemple, Apocalypse chapitre 4 et 5, la vision du trône de Dieu et du drame qui suit de cette vision par lequel des personnes de chaque tribu, de chaque langue, de chaque pays viennent rachetées par le sang de Jésus autour du trône de Dieu. Et par contre, des passages comme le passage que j'ai cité il y a deux jours, à la fin de Apocalypse chapitre 14, une vision de l'enfer, une vision de jugement, une vision de souffrance. L'ange jeta son fossile sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Pareillement, dans Apocalypse chapitre 21, après cette grande vision, verset 1 à verset 7, nous lisons verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, et ainsi de suite, leur part sera dans les temps brûlants du feu et du soufre. » Cela, c'est la seconde mort. Même cette expression glorieuse dans verset 7 est remarquable. « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. » Nous avons déjà remarqué que, qu'en général, dans la Bible, quand ça ne parle pas du monde naturel, un fils naturel, un fils du point de vue biologique, c'est une question de conduite. Donc, comme nous avons déjà remarqué, pour ceux qui construisent la paix, pour ceux qui procurent la paix, une telle personne sera appelée fils de Dieu parce que c'est Dieu qui surtout procure la paix. Donc, si on agit comme Dieu agit, nous sommes marqués comme son fils. Mais malgré le fait que le roi dans l'Ancien Testament était le fils de Dieu, que Israël était le fils de Dieu, et quand même, il y a une grande différence entre ses fils et Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans un sens tout à fait spécial. Dans Jean chapitre 5, surtout verset 16 à verset 20, Jésus est le Fils unique parce que tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi. Maintenant, je ne peux pas dire ça. Dieu a tout créé. Je n'ai rien créé. Rien. Mais Jean nous enseigne, Jean 1, verset 3, que tout ce que le Père a créé, il a créé par sa parole, par son Fils. Tout ce que le Père fait, le Fils fait. Il est le Fils parfait. Peut-être je peux procurer un petit peu de paix, et dans ce sens, je suis la conduite de mon Père, et dans ce sens, on peut m'appeler Fils de Dieu. Oui, oui. Et dans un autre sens, je suis Fils de Dieu parce qu'il m'a engendré par son Esprit. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais en fin de compte, je ne suis pas fils de Dieu comme Jésus est fils de Dieu parce que tout ce que le Père fait, il fait aussi. Il est le Fils parfait. Est-ce que le Père est le juge à la fin de l'âge? Oui, mais selon Jean chapitre 5, verset 16 à verset 30, Jésus est le juge à la fin de l'âge. Tout, et il juge avec la justice, avec le jugement de son Père. Ils sont complètement en accord à cet égard. Moi, je ne suis pas le juge au dernier jour. Moi, je ne peux pas ressusciter les morts au dernier jour. Mais tout ce que le Père fait, Jésus fait. Mais maintenant, autant que je peux être fils, je suis fils dans cette image. Il sera mon fils. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Nous devons nous aimer les uns les autres comme l'amour se trouve dans la Sainte Trinité. Lire Jean 17. L'amour entre les personnes de la Sainte Trinité doit être démontré dans l'Église, n'est-ce pas? Voilà le standard, la forme, la motivation de notre amour, l'amour de Dieu trois fois saint, l'amour de Dieu, la Sainte Trinité. Et un jour, je serai parfait à cet égard. Je serai son fils. Or, je suis déjà son fils. Oui. Mais la vision s'augmente, la vision s'augmente, la vision s'augmente. Et donc, nous lisons à la fin, « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. » Les mêmes paroles que nous lisons à travers la Bible, mais maintenant tellement augmenté dans les nouveaux cieux sur la nouvelle terre, qu'il n'y a que la gloire, qu'il n'y a que l'obéissance, qu'il n'y a que la joie, il n'y a que la centralité de Dieu, il n'y a que la perfection parmi le peuple de Dieu. N'avez-vous pas hâte pour cela? N'est-ce pas inévitable que si c'est à cet but que nous pressons, à laquelle nous sommes attirés, que ça va tout changer dans notre vision, comment comprendre et évaluer même les souffrances de ce monde? Eh bien, c'est le temps pour notre pause.